Comme il était dans le péril aussi, il se décida à faire partir le 2e régiment de grenadiers et les chasseurs, commandés par le général d'Orsen. Les cuirassiers avaient enfoncé des carrés et fait un carnage épouvantable. Nos grenadiers tombèrent à la baïonnette sur la garde russe sans tirer un seul coup de fusil, et en même temps l'empereur fit charger 2 escadrons de grenadiers à cheval et 2 de chasseurs. Ils se portèrent si rapidement en avant que les grenadiers traversèrent toute leur ligne et firent le tour de l'armée russe. Ils revinrent couverts de sang et perdirent quelques hommes démontés et faits prisonniers. Ils eurent pour prison Königsberg, et le lendemain l'empereur leur envoya 50 napoléons. Lorsque ces charges eurent repoussé les Russes et rabattu leur fureur, ils ne furent plus tentés de recommencer. Il était temps. Nos troupes étaient à bout. Les rangs se dégarnissaient à vue d'œil. Sans la garde, notre bonne infanterie aurait succombé. Nous ne perdîmes pas le champ de bataille, mais nous ne le gagnâmes pas. Le soir, l'empereur nous ramena à notre position de la veille. Il fut enchanté de sa garde et dit au général « D'Orsen, tu n'as pas plaisanté avec mes grognards. Je suis content de toi. » La faim et le froid nous firent passer une mauvaise nuit. Le champ de bataille était couvert de morts et de blessés. Ce n'était qu'un cri. On ne peut se faire une idée de cette journée. Le lendemain fut consacré à faire des fosses pour enterrer les victimes et porter les blessés à l'ambulance. Sur le midi, il arrive des tonneaux d'eau-de-vie que des Juifs amenaient de Varsovie, escortés par une compagnie de grenadiers. L'ordre fut établi pour que chacun puisse en avoir à son tour. On mit un tonneau debout et défoncé. 2 grenadiers tenaient le sac, 4 à la fois laissaient tomber chacun 6 francs et puisaient avec un verre réglé dans le tonneau. Et défense de recommencer, et puis venaient 4 autres, ainsi de suite. Ces 4 tonneaux sauvèrent l'armée, et les Juifs firent fortune. Ils furent escortés jusqu'à Varsovie par une compagnie de grenadiers à 3 francs par jour. Une trêve fut convenue. Il n'était pas possible de continuer, l'armée avait trop souffert. L'empereur nous fit prendre nos cantonnements, mais avant de partir, on évacua les blessés et malades dans des traîneaux, ainsi que les pièces de canon prises à l'ennemi et les prisonniers. Le 17 février, nous partîmes pour Thorn et Marienburg, où nous trouvâmes de meilleurs cantonnements. Il était temps, car nous n'avions pas changé de linge depuis 1 mois. Nous vîmes dans un grand village désert nommé Osterode. C'était tout à fait misère, mais nous trouvâmes des pommes de terre. L'empereur était logé dans une grange. On finit par lui trouver un logement plus convenable, et toujours au milieu de nous. Il vivait souvent de ce que donnaient ses soldats. Les pauvres officiers, sans les soldats, ils seraient morts de faim. Les habitants avaient tout enfoui dans les forêts et dans leurs maisons. À force de chercher, nous finîmes par découvrir leurs cachettes. En sondant avec nos baguettes de fusil, nous découvrîmes des vivres de toute espèce, du riz, du lard, du blé, de la farine, des jambons. On faisait de suite la déclaration à nos chefs, et ils présidaient à l'enlèvement des objets mis en ordre en magasin. Notre cher empereur faisait tout pour se procurer des vivres, mais il n'arrivait pas, et les rations manquaient souvent. Alors il fallait aller à la maraude, et par un temps rigoureux. « Allons, partons demain, » dis-je un jour. « À une 20aine bien armée, nous fouillerons ces grandes forêts de sapins. On dit que nous trouverons des daims et des cerfs. La neige nous fera découvrir du gibier. Il faut partir au petit jour. De rien dire à personne, notre sergent répondra pour nous. C'est décidé, dirent-il. Notre petit intrépide veut manger du daim. Allons en route. » Nos fusils bien chargés, nous nous enfonçâmes très loin. Voilà un troupeau de daims qui passe à 200 pas. Et puis beaucoup de lièvres. Mais à balle, on manquait à tout coup. Voyant un lièvre sauter, je me dis qu'il n'est pas loin. Et comme il se trouvait là, des petits sapins très épais, de 4 à 5 pieds de haut, je les détourne pour voir mon lièvre au gîte. Voilà un sapin qui me reste dans la main. J'en prends un autre, il s'arrache aussi. Je continue. Je me mets à appeler mes camarades. « par ici, il y a du nouveau. Les sapins ne tiennent pas dans cet endroit. »« Comment ?» me dirent-ils. « Tenez, voyez. » Certain que c'était une cachette fameuse, nous voilà assondés. Mais nos baguettes de fusil n'étaient pas assez longues. Et le carré était de 100 pieds. Quelle joie! Je dis, c'est pourtant mon lièvre qui est la cause de notre trouvaille. Il faut marquer l'endroit. Il n'y a pas de chemin pour arriver. Comment ont-ils pu faire? Les malins ont porté à dos. Maintenant, il faut nous orienter. Lardons les sapins pour demain. Et nous voilà avec nos sabres, traçant notre chemin, enlevant l'écorce des sapins à droite et à gauche. Toujours le nez en l'air, je vois une planche clouée après un gros sapin, et puis une autre à 25 pieds de hauteur. Il faut voir cela. On coupe des sapins, on entaille leurs branches pour servir d'échelle. Arrivé à la boîte, on ôte la cheville, qui tient la planche, qui avait de 5 à 6 pieds de haut, et on trouve viande salée, langue fourrée, oies, jambon, lard, miel, enfin 200 boîtes remplies, avec des chemises en quantité. Nous emportâmes des chemises, des langues fourrées et des oies. Notre chemin marqué, mes camarades dirent « notre furet à bon nez ». Nous arrivâmes fort tard, bien chargés, mais le cœur content. De suite, le sergent-major prévient les officiers de notre bonne journée. Le capitaine vient nous voir. « Voilà notre furet, dirent mes camarades, c'est lui qui a tout trouvé. »« Oui, capitaine, une cachette de 100 pieds de long, creusée à ne pouvoir la sonder avec nos baguettes de fusil. Voilà du jambon, du lard, de l'oie, prenez votre part. Demain, nous partirons avec des voitures, des pelles et des pioches, et beaucoup de monde et de vivres, car il faudra coucher dans le bois. » « Les deux lieutenants iront avec 50 hommes, dit notre capitaine. Il faut aussi des sacs, des haches. Le lieutenant prendra mon cheval et une botte de foin. S'il faut coucher, il reviendra rendre compte. » Nous partîmes avec nos officiers et tous les sacs des ordinaires. Arrivés sur les lieux, on fit la découverte de cette cachette avec des peines inouïes. Quel trésor ! Nous restâmes 24 heures pour débarrasser cette cachette. Il fallait voir la joie sur toutes les figures. Des quantités de blé, de farine, de riz, de lard. Des grands tonneaux pleins de toiles de chemise, des viandes salées de toutes espèces. Ils avaient replanté les sapins, replacé la mousse. Il fallait chasser un lièvre pour découvrir ce trésor. Le lieutenant partit pour faire son rapport et faire venir des voitures et du monde des autres compagnies. Ce trou renfermait 25 voitures à 4 chevaux. Il fallut faire un chemin pour arriver. Quelle fête pour nos grognards en voyant arriver les voitures! Ça fit renaître la gaieté sur toutes les figures. « Ce n'est pas tout, leur dis-je. Il faut aller dénicher nos boîtes de miel, que nous avons trouvées hier, et regarder en l'air pour découvrir des boîtes après les gros sapins. » La découverte fut riche. Plus de 100 boîtes furent trouvées remplies de viande salée, de linge et de miel. Et nous voilà à grimper et à remplir nos sacs. De retour avec toutes nos provisions, on fit un bon feu pour cuire les grillades et se régaler aux dépens des Polonais qui voulaient nous faire mourir de faim. Car dans nos cantonnements d'hiver, nous avons été 50 jours sans goûter de pain. Ils avaient quitté leur demeure, s'il en restait quelques-uns. C'était pour surveiller leur cachette. Quand nous leur demandions de vivre, c'était toujours non. C'est une race sans humanité. L'homme mourait à leur porte. Vive nos bons Allemands, toujours résignés, qui jamais n'abandonnèrent leur maison. À mon cantonnement, je fus fêté de tout le régiment. Le riz fut distribué aux grenadiers. Le blé fut moulu pour faire du pain. Ce fut la cause de grandes recherches. Les sondes faisaient leur jeu. Toutes les granges furent fouillées, les maisons décarrelées ainsi que les écuries. Partout des cachettes, partout des vivres. Les Russes mouraient de faim aussi, et ils venaient mendier des pommes de terre à nos soldats. Ils ne pensaient plus à se battre et nous laissaient tranquilles dans nos quartiers. Ce malheureux hiver nous coûta bien des souffrances. Voyant un paysan regarder dans un jardin tous les matins, j'en fis la remarque, et je fus sondé. Je rencontre un objet qui faiblit. Je vais prévenir mes camarades. De suite à l'œuvre, nous découvrîmes 2 vaches pourries. C'était une infection. Mais sous ces charognes, il y avait de gros tonneaux remplis de riz, de lard et de jambon, avec tous les outils du village, scie, hache, pelle et pioche. Enfin, tout ce dont nous avions besoin, et du raisiné pour notre dessert. Je sautais de joie d'avoir persisté à enlever ces maudites charognes. Le cœur en sautait. On en fit la déclaration à nos officiers. Cela donna plus de 1500 livres de riz et des bandes de lard. L'empereur, voyant la fonte des neiges, fit venir ses ingénieurs pour dresser un camp dans une belle opposition en avant de Finkenstein. Des lignes furent tracées en forme de carré. Au milieu, une place pour faire un palais qui fut bâti en briques. Le plan fait, on alla chercher des planches pour nos baraques. Dans ce pays, les enclos sont fermés de gros poteaux et de planches de sapin de 20 pieds de long et 1 pied de large. Nous voilà à défaire planches et poteaux. 20 voitures partaient, d'autres revenaient. À 3 lieues à la ronde, tous les enclos furent démolis. Dans 15 jours, nos baraques étaient montées et le palais de l'empereur était presque fini. Il n'était pas possible de voir un plus beau camp. Les rues portaient les noms des batailles remportées depuis le commencement de la guerre. Nos officiers étaient bien logés et toute l'armée fut campée dans de belles positions. L'empereur allait visiter et faire la manœuvre. De Danzig, il fit venir de l'eau-de-vie et des vivres, du vin pour l'état-major. La joie était sur toutes les figures. Il venait souvent nous voir manger notre soupe. « Que personne ne se dérange, » disait-il. « Je suis content de mes grognards, ils m'ont bien logé, et mes officiers ont des chambres parquetées. Les Polonais peuvent en faire une ville. » Comme nous avions trouvé des pièces de toile dans les cachettes, nous fîmes des pantalons et de beaux sacs de 6 pieds de haut pour coucher. Les Polonais venaient avec de belles dames en voiture pour voir cette ville en planche. Nous passâmes le mois de mai à faire la belle jambe, frais et poudrés comme à Paris. Mais le 5 juin, notre intrépide maréchal Ney fut attaqué et poursuivi par une forte armée russe. Le courrier arrive près de l'empereur pour lui apprendre cette nouvelle. De suite, le camp fut levé et prêt à partir. Le 6, à 3 heures du matin, on partit pour rejoindre l'armée. Arrivé le même jour, on nous mit de suite à notre rang de bataille avec notre artillerie. Nous étions près d'Eylau. On nous fit prendre à droite et remonter pour rejoindre les Russes, dans la belle plaine de Friedland, au passage d'une rivière. Ils nous attendaient dans une belle position. Beaucoup de redoutes sur des hauteurs, avec des ponts derrière eux. Le brave maréchal Lannes arriva de Varsovie, fort mécontent des Polonais. Dans une discussion avec l'empereur, devant le front des grenadiers, nous entendîmes qu'il lui disait « Le sang d'un Français vaut mieux que toute la Pologne ». L'empereur lui répondit « Si tu n'es pas content, va-t'en ». « Non, lui répondit Lannes, tu as besoin de moi. » Il n'y avait que ce grand guerrier qui tutoyait l'empereur. Lui serrant la main, celui-ci dit « Pars de suite avec les grenadiers, Oudinot, ton corps et la cavalerie. Marche sur Friedland, je t'envoie le maréchal Ney. » Ces deux grands guerriers se trouvèrent contre des forces plus que doubles des leurs. Ils souffrirent jusqu'à midi. Les grenadiers, les voltigeurs et la cavalerie purent contenir l'ennemi jusqu'à notre arrivée. Mais il était temps. L'empereur passa au galop devant toutes les troupes qui allaient au pas de course. Ils traversaient un bois où les blessés d'Oudinot passaient. « Allez vite, » dirent-ils, « au secours de nos camarades. Les Russes sont les plus forts dans ce moment. » L'empereur, trouvant les Russes près d'une rivière, voulut leur couper les ponts. Il donna cette tâche périlleuse à l'intrépide Ney, qui partit au galop. Toutes les troupes arrivèrent. L'empereur donna une heure de repos, visita ses lignes, revient au galop vers sa garde. Change de cheval et donne le signal de pousser les Russes sur tous les points. Les Russes se battirent comme des lions. Ils ne voulurent pas se rendre et préférèrent se noyer. Après cette mémorable journée, qui finit fort tard à la lueur de l'incendie de Friedland et des villages voisins, le combat cessa. Et ils profitèrent de la nuit pour battre en retraite sur Tilsit. Notre empereur coucha sur le champ de bataille, comme de coutume pour faire ramasser ses blessés. Il fit poursuivre les Russes le lendemain sur le Niemen. Nos soldats ne purent que joindre l'arrière-garde, les traînards. Ils firent prisonniers des sauvages que l'on nomme Kalmucks, avec de gros nez, des figures plates, des oreilles larges et des carquois pleins de flèches. Ils étaient 1800 hommes de cavalerie, mais nos gilets de fer tombèrent dessus et les chassèrent comme des moutons. Ils étaient commandés par des officiers et sous-officiers russes. Nous eûmes la permission d'aller les voir dans leur camp. On leur faisait la distribution de viande, et de suite, elle était dévorée par ces sauvages. Le 19 juin, nos troupes se trouvèrent en face des Russes qui avaient passé le Niemen et détruit tous les ponts. Le fleuve n'est pas large dans cet endroit. Il coule au bas d'une belle rue très large qui traverse Tilsit et qui est fermée par une espèce de caserne où la garde russe était logée pour faire le service du souverain. Il était campé au bout d'un lac sur la droite de la ville. L'empereur arriva sur le Niemen avec la cavalerie. Les Russes étaient de l'autre côté, sans pain. Nous fûmes obligés de leur faire passer des vivres, qui nous coûtaient des courses de 6 à 7 lieues. Enfin, le 19 juin, un envoyé de l'empereur de Russie passe le fleuve pour parlementer. Il fut présenté au prince Murat et aussitôt à Napoléon, qui répondit de suite, car il donna l'ordre de nous tenir prêts en grande tenue pour le lendemain. Le lendemain, arrive un prince de Russie, et les ordres furent donnés, partout, de prendre les armes pour recevoir l'empereur de Russie, devant toutes les troupes en grande tenue. On dit qu'on allait faire un radeau sur le fleuve et que les deux empereurs allaient se voir pour faire la paix. Dieu, quelle joie pour nous! Tout le monde était fou. Les officiers étaient parmi nous pour que rien ne manque à notre belle tenue, les queues bien faites et bien poudrées, les buffetteries bien blanches, défense de s'éloigner. Lorsque tout fut prêt, nous eûmes l'ordre de prendre les armes à 11 heures pour nous porter sur le fleuve. Là nous attendait le plus beau spectacle que jamais homme verra sur le Niemen. Sur le milieu du fleuve se trouvait un radeau magnifique, garni de belles tentures très larges, et sur le côté, à gauche, une tente. Sur les deux rives, une belle barque richement décorée et montée par les marins de la garde. L'empereur arrive à 1 heure et se place dans sa barque avec son état-major. Les empereurs partirent au même signal. Ils avaient chacun les mêmes degrés à monter et le même trajet à parcourir. Mais le nôtre arriva le premier sur le radeau. On voit ces deux grands hommes s'embrasser comme deux frères revenant de l'exil. Ah, quel cri de « Vive l'empereur !» des deux côtés. Cette entrevue fut longue, et ils se retirèrent chacun de leur côté. Le lendemain, nous recommençâmes la même manœuvre. C'était pour recevoir le roi de Prusse. Heureusement que le grand Alexandre était là pour prendre sa défense. Il avait l'air d'une victime. Dieu qu'il était maigre, le vilain souverain. Mais aussi, il avait une bien belle reine. Cette entrevue entre les trois souverains fut courte, et il fut convenu que notre empereur leur donnerait dans la ville le logement et la table. C'était glorieux après les avoir bien rossés, mais pas de rancune. La ville fut donc partagée par moitié, et le lendemain, toute la garde sous les armes dans la belle rue de Tilsit, sur 3 rangs de chaque côté. Notre empereur fut au-devant de l'empereur de Russie, au bord du fleuve, avec des chevaux de sel pour faire monter l'empereur et les princes, mais le roi de Prusse n'y était pas ce jour-là. Quel beau coup d'œil que ces souverains, princes et maréchaux, avec le fier Murat, qui ne cédait en rien, en beauté à l'empereur de Russie, tous dans le plus beau costume. L'empereur de Russie vint devant nous et dit au colonel Frédéric « Vous avez une belle garde, colonel. »« Et bonne, sire, » dit-il à l'empereur qui répondit « Je le sais. » Le lendemain, il les régala d'une belle revue de sa garde et du 3e corps commandé par le maréchal Davoust, dans une plaine à 1 lieue de Tilsit. Ce fut un beau jour, la garde était brillante comme à Paris, et le corps du maréchal ne laissait rien à désirer, toute sa troupe en pantalon blanc. Après la revue de ces 3 souverains, on nous fit défiler par division. On commença par le 3e corps, puis les grognards, c'était un rempart mouvant. L'empereur de Russie, le roi de Prusse et tous leurs généraux saluèrent la garde à chaque division qui passait. On donna l'ordre de se préparer pour donner un repas à la garde russe et de faire des tentes très longues et larges avec toutes les ouvertures sur la même ligne et des plantations de beaux sapins. La moitié partit avec des officiers pour en chercher et l'autre moitié fit les tentes. On donna 8 jours et 8 lieues de pays en arrière pour se procurer des vivres. On partit en bon ordre et le même jour les provisions étaient chargées. Le lendemain, on arrivait au camp avec plus de 50 voitures chargées et les paysans pour les conduire. Ils se prêtèrent de bonne grâce à cette réquisition, et ils furent renvoyés tous contents. Ils croyaient bien que les voitures traînées par des bœufs resteraient au camp, mais elles furent congédiées de suite, et ils sautaient de joie. Le 30 juin 1807, notre repas était sur table à midi. On ne peut pas voir des tables mieux décorées, avec des surtouts en gazon garnis de fleurs. Au fond de chaque tente, 2 étoiles et les noms de 2 grands hommes tracés en fleurs, avec les drapeaux français et russes. Nous partîmes encore pour aller au-devant de cette belle garde, qui arrivait par compagnie. Nous prîmes chacun notre géant par-dessous le bras, et comme ils n'étaient pas aussi nombreux que nous, nous en avions 1 pour 2. Ils étaient si grands que nous pouvions leur servir de béquille. Moi qui étais le plus petit, j'en tenais 1 seulement. J'étais obligé de regarder en l'air pour lui voir la figure. J'avais l'air d'être son petit garçon. Ils furent confus de nous voir dans une tenue si brillante. Il fallait voir nos cuisiniers bien poudrés, en tablier blanc pour servir. On peut dire que rien n'y manquait. Nous plaçâmes nos convives à table, entre nous, et le dîner fut bien servi. Voilà la gaieté qui se fait parmi tout le monde. Ces hommes affamés ne purent se contenir. Ils ne connaissaient pas la réserve que l'on doit observer à table. On leur servit à boire de l'eau-de-vie. C'était la boisson du repas. Et avant de la leur présenter, il fallait en boire, et leur présenter le gobelet en fer blanc, qui contenait 1/4 de litre. Son contenu disparaissait aussitôt. Ils avalaient les morceaux de viande gros comme un œuf à chaque bouchée. Ils se trouvèrent bientôt gênés. Nous leur fîmes signe de se déboutonner, en faisant autant. Les voilà qui se mettent à leur aise. Ils étaient serrés dans leur uniforme par des chiffons pour se faire une poitrine large. C'était dégoûtant à voir tomber ces chiffons. Il nous arrive 2 aides de camp. Un de notre empereur et un de l'empereur de Russie, pour nous prévenir de ne pas bouger, que nous allions recevoir leur visite. Les voilà qui arrivent. Du signe de la main, notre empereur dit que personne ne bouge. Ils firent le tour de la table, et l'empereur de Russie nous dit « Grenadiers, c'est digne de vous, ce que vous avez fait. » Après leur départ, nos Russes, qui étaient à Lorraise, recommencèrent à manger de plus belle. Nous voilà à les pousser en viande et en boisson, et comme ils ne peuvent plus manger tant de rôtis servis sur la table, que font-ils? Ils mettent leurs doigts dans leur bouche, rendent leur dîner en tas entre leurs jambes, et recommencent comme de plus belle. C'était dégoûtant à voir de pareilles orgies. Ils firent ainsi 3 cuvées dans leur dîner. Nous reconduisîmes le soir ce que nous pûmes emmener. Une partie resta dans ses vomissements sous les tables. Un de nos farceurs voulut se déguiser en russe, et fit quitter à un d'eux l'uniforme. Ils échangèrent et partirent bras dessus, bras dessous. Arrivés dans la belle rue de Tilsit, notre farceur quitte le bras de son russe, habillé en français, et va pour épancher de l'eau. Aussitôt fini, il court pour rejoindre et rencontre un sergent russe auquel il ne fait pas de salut, et qui lui applique 2 coups de canne sur les épaules. Se voyant frappé, il oublie son déguisement, saute sur le sergent, le terrasse. Il l'aurait tué si on l'avait laissé faire, sous le balcon des 2 empereurs qui regardaient la troupe joyeuse. Cette scène les fit bien rire. Le sergent russe resta sur place et tout le monde fut content, surtout les soldats russes. Lorsque l'empereur eut terminé ses affaires, il fit ses adieux à l'empereur de Russie et partit le 10 juillet de Tilsit pour Königsberg, où il arriva le même jour. On nous mit de suite en route pour le rejoindre. Nous passâmes par Elo. Là nous vîmes les tombeaux de nos bons camarades morts pour la patrie. Nos chefs nous firent porter les armes en traversant le champ de repos avec un silence religieux. Nous arrivâmes à Königsberg, belle ville maritime, et nous fûmes logés et nourris chez l'habitant. Les Anglais, ne sachant pas la paix faite, arrivèrent dans le port avec des bâtiments chargés de provisions pour l'armée russe. Un des bâtiments était chargé de harengs et l'autre de tabac. On fit cacher les troupes dans les maisons le long du port. Aussitôt entrés dans le bassin, on fit feu dessus, et ils se rendirent. Dieu, que de tabac et de harengs! Toute la troupe fut pourvue de 6 paquets et d'une 12aine de harengs par homme. Les Russes qui étaient à bord de cette belle prise furent contents de se trouver pris, et notre empereur les renvoya à leur souverain. Nous reçûmes en ce moment l'ordre de planter des arbres le long de la grande rue et de la sabler pour recevoir la reine de Prusse, qui venait rendre une visite à notre empereur. Elle arriva à 10 heures du soir. Dieu qu'elle était belle avec son turban autour de la tête! On pouvait dire que c'était une belle reine pour un vilain roi, mais je crois qu'elle était roi et reine en même temps. L'empereur vint la recevoir au bas du grand perron et lui présenta la main, mais elle ne put le faire plier. J'eus le bonheur de me trouver le soir de faction au pied du perron pour la voir de près, et le lendemain à midi je me trouvai à mon même poste. Je la contemplais. Quelle belle figure avec un port de reine! À 33 ans, j'aurais donné une de mes oreilles pour rester avec elle aussi longtemps que l'empereur. Ce fut la dernière faction que j'ai faite comme soldat. Le général d'Orsen reçut alors l'ordre de nous faire distribuer des souliers et des chemises dans les magasins russes et prussiens et de nous passer l'inspection, l'empereur devant passer la revue de sa garde avant de partir. Tout fut mis en mouvement. Nous trouvâmes de tout dans cette belle ville. En propreté, rien ne peut la rivaliser. Les dames françaises n'ont qu'à y passer pour voir des appartements brillants, pelles, pincettes, entrées de porte, balcons, tout reluit. Il y a des crachoirs dans tous les coins d'appartements et du linge blanc comme neige. C'est un modèle de propreté. La distribution de linge et de chaussures faite, le général fit prévenir les capitaines de passer leur inspection par compagnie. À 11 heures sur la place, on devait passer la revue. Le capitaine Renard fut trouver l'adjudant-major, M. Belcourt, pour s'entendre avec lui à mon sujet. Ils me firent venir pour me dire que j'allais passer caporal dans ma compagnie, qu'on voulait me récompenser. Mais leur dis-je, je ne sais ni lire ni écrire, vous apprendrez. Mais ça n'est pas possible, je vous remercie. Vous serez caporal aujourd'hui, et si le général vous demande, si vous savez lire et écrire, vous lui répondrez, oui, général. Et je me charge de vous faire apprendre. J'ai des jeunes vélites instruits qui se feront un plaisir de vous montrer. J'étais bien triste, à 33 ans, d'apprendre à lire et à écrire. Je maudissais mon père de m'avoir abandonné. Enfin, à midi, M. Belcourt et mon capitaine furent au-devant du général et lui parlèrent de moi. « Faites-le sortir du rang. » Il me toise des pieds à la tête, et voyant ma croix, il me demande « Depuis combien de temps êtes-vous décoré ?»« Des premiers, je l'ai été aux Invalides. »« Le premier ?» me dit-il. « Oui, général. » »« Faites-le reconnaître caporal de suite. » Il était temps, je tremblais devant cet homme si dur et si juste. Toute la compagnie fut surprise en me voyant nommé caporal dans la même compagnie. Personne ne s'en doutait. Tous les caporaux vinrent m'entourer et me dire obligeamment « Soyez tranquille, nous vous montrerons à écrire. » Rentré dans mon logement, je fus de suite trouver mon sergent-major qui me prit la main. Allons de suite chez le capitaine.